طيب، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من نبينا بعده. أما بعد، dans le livre que nous étudions, nous avons pris Maratib al-Din, les différents niveaux de la religion. Akhazna al-Islam, on a pris l'islam, qui se définit par les actes apparents. Rasna al-Iman, la foi, qui elle se définit par les actes intérieurs. Wasarisa Rasna al-Ihsan, on traduit par l'excellence et la bienfaisance. Wazakarna anna rokna wahid, elle ne se base que sur un seul pilier. Cette excellence ne se base que sur un seul pilier. Wahuwa anta'budallaha. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne vois pas, sache que lui te voit. La preuve de ce pilier a été évoquée dans le hadith de Jibril. Parce que ce dernier a interrogé le Nabi, alayhi as-salatu wassalam, et il a dit à lui, Ya Muhammad, akhbirni an al-ihsan. Parce qu'il a dit au Muhammad, informe-moi à propos de l'excellence, l'ihsan. فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Et on avait cité que cela s'appelait Al-Muraqaba. Ça s'appelle Muraqaba. C'est se sentir observé, se sentir surveillé, savoir qu'Allah Azzawajal te regarde. Et c'est ça l'excellence que le musulman doit atteindre. Car selon ces maratibs de la religion, ce n'est pas tout musulman qui est mu'min. Car le musulman, on l'emploie également sur le munafiq, on l'appelle musulman. Et ce n'est pas tout mu'min croyant qui est mursin, c'est-à-dire qui a telle excellence. Par contre, le mursin, celui qui a telle excellence, est forcément mu'min, et musulman. Le plus haut englobe forcément les trois. Mais le plus bas n'englobe pas forcément ce qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire, ce sont des échelons. Il y a des ulama, ils ne voient pas comme ça, mais c'est le qu'ils qui apparaît comme étant authentique. C'est-à-dire, parce que munafiq, on dit que c'est un musulman. Et ça, ce que nous apparaît, c'est clairement son ifaq. Shahid, c'est que atteindre ce stade demande des grands efforts. Car les gens, malheureusement, cette ihsan, aujourd'hui, on le trouve que chez qui Allah fait miséricorde. Les gens, aujourd'hui, font devancer le regard des gens sur celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا قَدْ يَتْخُولُ فِي الْخَوْفِ الْمُحَرَّمِ. Cela peut rentrer dans la forme de peur qui est interdite. On avait pris que la peur est de différentes catégories. Comme encore la Ta'ala, « وَلَا تَخَوْفُهُمْ وَخَوْفُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » Et n'ayez pas peur d'eux, mais peur de moi, si vous êtes croyants. Donc il y a la peur qui est ibadah, celle qui est adoration. Il y a la peur qui, elle, est naturelle, comme la peur d'un danger, une chose qui peut nous nuire concrètement. Et il y a la peur sir, la peur secrète, qui est d'avoir peur d'une créature dans ce que seul Allah Azzawajal peut nous faire subir. Et là, le shahid, c'est la peur al-muharram. C'est avoir peur d'une chose qui ne nous nuit en rien et qui, en réalité, nous fait tomber dans le péché. Donc aujourd'hui, on constate, principalement ici en France, que l'un des plus grands maux de la Ummah, c'est la peur du regard des gens. La peur du regard des gens. Car on est dans un mujtama, un environnement où les gens n'aiment pas l'islam. Et malheureusement, le musulman veut trop se faire aimer, veut trop se faire accepter. Alors qu'à la base, il n'a rien à prouver aux gens. Il doit appeler à l'islam, certes, mais il n'est pas là pour plaire aux gens non plus. Tant que cela, on va dire, n'amène pas cela amène à transgresser, on va dire. Parce que se faire bien voir, c'est noble. D'accord? Mais si jamais les gens nous voient en mal, alors qu'on n'a rien fait de mal, alors, il n'y a pas de greffe sur nous. Et malheureusement, on veut toujours chercher à se justifier, toujours chercher à prouver quelque chose aux autres. Donc de là, ça mène à ce qu'on tombe dans une faiblesse pour ce que les gens disent, pour ce que les gens, comment les gens nous voient. Et en réalité, lorsqu'on atteint l'irsen, l'excellence, on se contrefiche de cela, car ce qui nous importe, c'est que Allah nous voit, lui. Et quand on sait qu'on fait une chose qu'Allah il aime et qu'elle est faite correctement, alors le reste peu nous importe. C'est ça l'excellence. Vous voyez, c'est ça l'excellence. D'ailleurs, dans un hadith qui n'est pas authentique, mais dont le sens est correct, apporté par Abi Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna min dha'f al-yaqin an الناس بسخط الله وان تمدح الناس على رزق الله. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait partie de la faiblesse de la certitude. C'est-à-dire, la certitude, elle n'est pas concrète, elle est faible chez le musulman. De vouloir agréer les gens au détriment de la colère d'Allah. Et de louer les gens en vue d'obtenir la subsistance d'Allah, azawajal. Ça veut dire que cela t'emmène à tomber dans le péché pour plaire aux gens. Et ça t'amène également à faire l'éloge de gens qui ne méritent pas les éloges, enfin d'obtenir quelque chose qui à la base c'est là qui va te le donner, c'est pas eux. Ar-Razak, c'est Allah Azawajel, c'est pas ton patron, c'est pas ton père, c'est pas le mari pour la femme, c'est pas le grand frère. C'est pas Foulen, c'est pas Foulen. D'accord? Ar-Razzaq ou Allah Azawajel. Après, Allah, il a mis des gens et des asbab pour obtenir des choses, certes. Mais comme on avait déjà parlé, les asbab, ils doivent être légiférés. Et donc, il ne convient pas, justement, de vouloir plaire à une personne qui est censée nous donner quelque chose dont on a besoin. Vous voyez, il n'est pas légiféré de faire une mukhalafa, une transgression. En vue d'obtenir. Et ça, c'est une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dû enseigner à Ibn Abbas, alors qu'il était encore un enfant. Dans le fameux hadith, lorsqu'il disait Ibn Abbas qu'il était derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Lorsqu'il lui a dit Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat. Il a dit Ô jeune garçon, je vais t'enseigner une parole. Qala, ihfazillah, yahfazka. Ihfazillah, tajiduhu tujahak. Il lui a dit, protège Allah, Allah te protégera. Qu'est-ce que cela veut dire protéger Allah? C'est protège sa religion. Allah, pardon, qu'on le protège. Protège sa religion. Et cette religion, comment elle se protège? En étant appliquée, en étant apparente, en étant respectée, en étant observée, fidèlement autant que possible. Donc il a dit, si tu fais cela, tu trouveras Allah devant toi. Comme quand Ta'ala fi kitabihi, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullah yansurkum yuthabbit aqdamakum. Vous qui avez cru, si vous secourez Allah, Allah va vous secourir, il va raffermir vos pas. Donc pour que justement cette force de l'application soit là, faut d'abord faire le premier pas. Et c'est que là, et donc en faisant quoi? En sauvant la religion, et chacun à son niveau. Et le minimum à faire, c'est son application. Si quelqu'un ne peut pas se permettre d'enseigner, de prêcher publiquement ou de conseiller ou quoi, le minimum, c'est que lui-même applique la religion autant qu'il peut. Et il ne craint pas ce que les gens vont dire de lui. Et il ne cherche pas non plus à faire cela pour plaire aux autres. Car ça peut entrer dans le riya, dans l'ostentation, de faire une chose qu'Allah il aime pour obtenir les éloges des gens. Adama yajouz. Et le contraire également, qui est de délaisser une chose par peur des gens. Ou yaqullahu azza wa jal, ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Il y a parmi les gens certains qui disent nous croyons à Allah. Et lorsqu'ils subissent, on va dire, un préjudice de la part des gens pour la religion, alors voilà qu'ils prennent ce préjudice comme un châtiment. Donc ils arrêtent. Ils vont faire une chose pour Allah Azza wa Jal, les gens ne vont pas accepter et vont s'y opposer et vont lui faire subir quelque chose, et de là, la personne s'en revient en arrière. Et ça, ce verset-là, les ulama, ils disent que ça concerne les munafiqins. Vous voyez, ça concerne les munafiqins. Donc toi, tu n'as pas à avoir peur de ce que les gens vont dire ou vont faire. Et d'ailleurs, dans la suite du hadith, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Wa iza sta'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fas'ta'in billah. » Si jamais tu demandes, demande que Allah. C'est dans ce que Allah peut t'accorder. Et si tu recherches de l'aide, recherche de l'aide auprès d'Allah. C'est-à-dire l'aide que seul Allah peut t'apporter. Et c'est là le shahid, il a dit « Wa alam anna al-ummata iza ijtama'at ala an yadurruka bi shay, lan yadurruka illa bi shay kataballahu alayk. » Et sache que si toute la communauté, et là il parle des hommes entiers, se réunissaient afin de te nuire, ils ne sauront te nuire que dans ce que Allah t'a déjà prédestiné. Et si toute se réunissent pour t'apporter un bien, ils ne sauront t'apporter qu'un bien que Allah également t'a déjà prédestiné. Donc personne ne peut rien contre toi concrètement. Et personne ne peut rien pour toi, Kazalik, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il t'a dit, comment obtenir justement ça de lui? Si tu sauves la religion d'Allah, c'est-à-dire tu l'appliques, tu vas de l'avant, tu la protèges, et tu n'as pas peur, d'accord? Allah te protégera. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu, man yartada minkum an dini, fa sawfa yatillahu bikum man yuhibbuhum yuhibbunah, adhillatin ala al-mu'minin, a'izzatin ala al-kafirin. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واسع عليم. Il y a un doute sur le verset. Dans le sens où Allah dit dans le Coran, il dit, vous qui avez cru, ceux d'entre vous qui s'en vont en arrière, alors sachez que Allah va venir avec un peuple meilleur qu'eux. Si jamais quelqu'un il abandonne, il y aura un remplaçant. Allah n'a pas besoin de nous. Vous voyez? Un peuple, des gens qui eux aiment Allah et que Allah il aime. Et qui seront puissants envers les koufars et doux envers les croyants. Et qui n'ont peur d'aucun reproche de la part des gens. Ils n'ont peur d'aucun reproche de la part des gens. Et ils luttent sur le sentier d'Allah. Ils luttent sur le sentier d'Allah, Azawajel. Donc des gens qui vont de l'avant. Donc quoi commencer si demain tu vois des gens qui abandonnent ou quoi, tu verras qu'Allah, Azawajel, viendra avec des gens. Eux se tiendront sur la droiture. Donc, quand il y a un hadith, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand la tazal, toi, il veut une ummati, zahilin al-haq, la yadurruhum man khazalahum. Vous voyez, la yadurruhum man khazalahum. Ou mala zalika, hatta tatiya al-sa'a, hatta antakum al-sa'a, naam, takriban. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent sur la vérité. Et que ceux qui les auront abandonnés ne leur nuiront en rien. Et ils se perdront là-dessus, c'est ce que viennent là. Donc des gens comme ça, ils sont là. Et il y en aura, il y en a eu. D'ailleurs, avant, c'était plus nombreux que maintenant. Et plus le temps avance, et plus ces gens-là, ils sont rares. Et on voit des gens faire partie de ces gens-là au début, et après, ils s'en retournent en arrière. Quoi qu'il en soit, Allah viendra toujours par les remplacer. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est. Avoir peur des gens, de laisser les choses de la religion par peur des gens, ne fera que nous nuire. Les gens ne pourront rien nous faire. Ils pourront rien nous faire. Ici, ils vont te faire quoi? Des regards, des commentaires, des insultes. Tu passes outre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu pire que cela. Déjà, fi hadith, An ibn Mas'ud, qala, أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له كأنني أنظر إلى النبي من الأنبياء ضربه قومه ودموه ويمسح الدم عن وجهه فيقول يا ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود, c'est comme si je voyais un prophète, il est parlé de lui-même, qui était frappé par son peuple, à tel point qu'ils l'ont fait couler le sang. Et il a dit, ô mon Seigneur, pardonne-leur qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. D'ailleurs, cette phrase-là, elle a été souvent reprise par les Nasara. Et attribué à Isa alayhi. Il est fort possible qu'il ait vécu cela lui aussi. Et tous les prophètes qu'il ait vécu ont été frappés par leur peuple, combattus par leur peuple, offensés par leur peuple. Vous voyez? Et malgré cela, ils ont tenu. Ils ont tenu. Et cela pour obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaoulai, Qudwatun lana. Et ces gens-là sont un exemple pour nous. Et ceux qui étaient autour d'eux également. Leurs compagnons. Car chaque prophète, de façon générale, avait des ansars avec lui. Il avait des compagnons. Et les meilleurs des ansars, les meilleurs des sahaba, c'est Ashab al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs, c'est ceux des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui ont vécu les moments les plus difficiles, les plus durs, les plus douloureux. Et n'ont pas abandonné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas lâché la religion. Ils ont été torturés. Ils ont donné toute leur richesse. Ils ont été même lésés. D'accord? Ils ont combattu avec leurs biens et leur vie et tout ce qu'ils avaient pour la religion. Sans avoir peur du regard des gens ou des paroles des gens. Donc ça, c'est une ouswa qu'on a en ces gens-là, que l'on doit faire revivre autant que possible. Non. Donc ce qu'il faut retenir, c'est du hadith d'Ibn Abbas dans une version où il était dit Ta'arafa Allah fi racha, fi shidda. Et dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit à Ibn Abbas, reconnais Allah dans l'aisance, il te reconnaîtra dans la difficulté. D'accord? Donc en dessous, tout va bien, c'est là que tu fais des efforts. Le jour où ça ira mal, Allah azawajal sera avec toi. N'attends pas la difficulté pour demander à Allah. Alors, même quand ça va, demande et fais les efforts. Et tu vas trouver les fruits de ces efforts dans la difficulté. Et sache que ce qui t'a atteint, tu ne devais pas en être épargné. Et ce dont tu étais épargné ne devait pas t'atteindre. Ce qui devait devenir, ça va devenir. Et ce qui devait t'esquiver, t'esquivera. Donc, la crainte des gens n'a rien apporté. D'accord? Et justement, combattre cette peur-là, pour Allah Azzawajal, c'est un djihad. Et la personne, elle est récompensée pour ce qu'elle a fait. Donc, ces gens-là ne peuvent rien faire pour nous. Donc, ici, on n'a pas à baisser les chines, courber les chines devant eux. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu dois jouer le hautain, l'orgueilleux. Non, tu restes modeste. D'accord? Tu restes modeste. Et tu restes poli et courtois. Cependant, pas de compromis et pas de lâche du lest, comme on dit, pour ces gens-là. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Et crois-moi bien que si demain des gens constatent cela de toi et qu'eux-mêmes en ont la guidée, eh ben, c'est un exemple pour eux. Et les autres, ils sont de mal qu'à eux-mêmes. Et si un d'entre eux te fait du mal, c'est qu'Allah avait prédestiné qu'il lui est arrivé du mal par cette personne-là. Que ce soit lui ou un tel, c'est que ça doit t'arriver. Il ne faut pas dire, c'est parce que j'ai fait ça. Si tu as fait une chose qui était légiférée comme il se doit, aucun reproche sur toi. C'est que ça devait t'arriver. D'accord? C'est que ça devait t'arriver. Non. Donc, soit nous, pour les frères, en apparence sur la sunna, ou nos sœurs qui portent le hijab, Rayl al-Zalika, ou les gens pour les obligations, la salat, ou le genre de choses, c'est-à-dire au travail, ou autre situation, avec les proches, avec les voisins. D'accord? On n'a pas à avoir peur d'eux. Ni des koufars, et encore moins des musulmans qui sont faibles. Parce que parmi la Oumma, tu as des gens aussi qui ont peut-être plus de reproches que les koufars. C'est-à-dire le fait de voir une sunna, ça les dérange. C'est comme si tu leur disais, lui, il fait ce que je dois faire et que j'ai pas envie de faire. Donc en fait, tu représentes un argument contre lui. Lui, il aimerait que ça soit, tu vois, ça passait pour une image du musulman, modéré comme il l'imagine. Et quand toi tu passes, eh ben en fait, tu casses son plan, quoi. Parce que les confrères vont dire, bah, regarde lui. Regarde comment il est, lui. Pourquoi t'es pas comme lui? Tu vois? Donc tu voudrais nous effacer, tu vois, qu'on disparaisse. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, tu as des gens que tu vois dans la rue comme s'ils disaient, ah non, ils sont jusque-là, eux. Dis, ouais, on est là. Il faut de là et t'as là. On sera là. Au-dessus de toi, en dessous de toi, on sera là. On ne se cachera pas pour toi. Donc c'est à la base, c'est une rahma pour eux de voir cela. C'est un rappel. Après, accepte celui qui doit accepter et refuse celui qui va refuser. En tout cas, délaissés par peur de leurs commentaires, Allah se laisse mal qu'à eux-mêmes. Là, il y a durruna il y a une foussa. Taïeb, fa'adha alladhi aradna natadhakkar al-yom, wa naktafi bi dhakadr, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Là, on va continuer avec le dars, inshallah.